Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gourmet du Pré 1860. Question 49. De la cause du mal. Le bien est la cause indirecte du mal, Dieu en est-il la cause? Il n'est point de souverain mal qui soit la cause de tous les maux. 1. Le bien peut-il être cause du mal? Saint Augustin a dit, le mal ne provient que d'un bien. Tout mal a nécessairement une cause quelle qu'elle soit, car il est la privation d'un bien que les êtres doivent naturellement avoir, et il ne se peut pas qu'un être soit privé des conditions que sa nature réclame sans qu'il ait été jeté hors de sa voie par une cause. D'un autre côté, le bien seul peut être cause, parce que, pour être cause, il faut exister. Or, tout ce qui existe est un bien en tant qu'être, donc, selon l'expression de saint Augustin, le mal ne provient que d'un bien. Le bien est en quelque façon la cause matérielle du mal, comme il en est le sujet. Ce bien, cette cause et ce sujet, c'est la créature raisonnable faisant des actions moralement mauvaises quand elle ne se soumet pas à la règle du devoir. Note. Au fond, le mal n'a ni cause finale ni cause directe, il a seulement une cause indirecte, qui n'est autre que la volonté agissant d'une manière déréglée. Fin de la note. 2. Le souverain bien, Dieu. Est-il la cause du mal? Il est évident que le mal, si on le considère comme résultant des défauts d'un agent ou des imperfections d'une action, n'a pas sa cause en Dieu, qui est la perfection même. Mais il n'en est pas ainsi du mal qui consiste dans la destruction ou la punition de certains êtres, celui-là peut venir de Dieu, non seulement dans le monde physique, mais encore dans les choses humaines. En effet, Dieu se propose avant tout l'ordre universel, qui exige que certains êtres puissent perdre et perdent quelquefois leur bonté. En assurant le bien de l'ordre universel, il produit accidentellement la destruction des choses. Ainsi, nous lisons dans l'Écriture, c'est le Seigneur qui ôte et donne la vie. 1 Rois 2, 6. De plus, l'ordre universel renferme l'ordre de la justice, qui demande la punition des pécheurs, et, sous ce nouveau rapport, Dieu est l'auteur des maux qui punissent le péché, mais non du péché même, il est l'auteur de la peine et non de la faute. Note. Ce qu'il y a d'être et d'actualité dans une action mauvaise vient de Dieu. Mais ce qu'il y a de défectueux vient de la créature. C'est ainsi que le mouvement dans le boiteux vient de la force motrice, et la claudication du défaut de sa jambe. De cette explication on peut inférer ce que Dieu fait dans les mauvaises actions des créatures. Il y fait, dit Bossuet, tout le bien et tout l'être qui s'y trouve, de sorte qu'il y fait même le fond de l'action, puisque le mal n'étant autre chose que la corruption du bien et de l'être, son fond, et par conséquent, dans le bien et dans l'être même. Fin de la note. 3. Y a-t-il un mal souverain qui soit la cause de tous les maux? Il n'existe pas de premier principe du mal, comme il existe un premier principe du bien. Car le premier principe de tous les biens est bon par son essence, et rien ne saurait être mauvais de cette manière. Nous en savons maintenant la raison, tout être est bon en tant qu'être, et le mal est dans un bien comme dans son sujet. D'ailleurs, nous l'avons pareillement reconnu, le mal provient d'une cause bonne en elle-même, qui le produit d'une manière indirecte. Note. Ceux qui ont admis deux principes, l'un du bien, l'autre du mal, n'arrêtaient leur regard que sur des effets particuliers. En voyant, par exemple, que certains êtres nuisent à d'autres, ils en concluaient que la nature de ces êtres est mauvaise, Mais en cela il ne raisonnait pas mieux que celui qui regarderait le feu comme mauvais de sa nature, parce qu'il a consumé la chaumière d'un pauvre artisan. Il est clair que, pour juger de la bonté des choses, il faut les considérer en elles-mêmes, et surtout au point de vue des rapports qu'elles ont avec l'ordre universel. Fin de la note. Markandanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.